Folie trépidante de Brigitte Tornade, de Camille Coller. 16e épisode. Comme un frère. Avec mon frère, les rapports sont pas toujours faciles. Il est du genre à partir un peu au quart de tour, hein, quand même. Mais la famille, c'est sacré, non? Bon, allez, Brigitte, on traîne pas, là. J'ai dit à la babysitter qu'on serait rentré vers 21h. Comment veux-tu qu'on soit rentré dans une heure alors qu'on dîne chez Benoît et Marie-Lorraine? Parce que, comme d'habitude, tu vas t'engueuler avec Benoît, Marie-Lorraine va pleurer et on sera rentré à la maison avant que les gosses soient au lit. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Parce que, vu votre capacité à vous embrouiller pour rien... N'importe quoi. Toi, t'es fils unique, tu peux pas comprendre ce rapport fraternel, ce côté viscéral, quoi. Ouais. Benoît et moi, on est comme les doigts de la main, on est fait dans le même moule. c'est très beau, ça, hein. Allez, je te donne 10 minutes avant de péter les plombs. Bah, tu te trompes, ce soir, j'ai décidé que je serais irréprochable. C'est ma soirée, je ne critique rien, je suis d'accord sur tout. 10 minutes, je te dis, et on est barré avant le saumon mayonnaise. Mais tais-toi, qu'est-ce que tu racontes? Paris, bah, allez, Paris. Non, on parle rien du tout, tu m'énerves. Allez, on y est, on se lève. Benoît me trouve hyper autoritaire, et il a tort, franchement. Bon, c'est vrai qu'il m'arrive de donner mon avis. Ouais. En fait, pour éviter les embrouilles, le mieux, c'est de me concentrer sur ma belle-sœur. Parce que c'est pas avec Marie-Lorraine que je risque de me fâcher. Hein, parce que les idées tranchées de Marie-Lorraine, c'est du genre pour ou contre la compote de pommes. C'est pour ça. Benoît préfère qu'on aille à la campagne cette année. Parce que la mer, c'est vraiment trop galère. Mmh. Ouais, non, mais c'est sûr. Tu vois, la dernière fois, Coma a fait une allergie au sable, Lucie au soleil... Je te dis pas les vacances. Ah ouais, non, mais c'est sûr, là, c'est pas des vacances. Hein. Bah voilà, non, mais là, c'est pour ça, j'ai dit à Benoît, t'as raison, optons pour la campagne. Puis la Mayenne, c'est hyper sympa. Ah ouais, moi aussi, j'adore la Mayenne. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Vous y êtes déjà allé avec les enfants? Non, jamais, mais ça nous tente beaucoup, hein. Tu me raconteras? Dis donc. Toi qui as l'habitude des plans olé-olé avec ta tribu. Tu crois que les enfants sont assez grands pour passer une nuit dans une tente? Tout seul dans le jardin? Non, mais moi, j'avoue que ça m'angoisse. C'est un jardin clos. Hein. Et puis, vous êtes à côté, non? Oui, mais... Je sais pas, je me dis, s'ils ont peur dans la nuit... T'imagines? Ça peut les traumatiser. Tu crois? Quand même. Oui. J'endormirai pas de la nuit. Attends, Marie-Lorraine, hein, dans ces conditions, laisse tomber. T'as raison, ils sont petits, ils font ça l'année prochaine. Ou l'année d'après. Bah oui. T'es d'avis que c'est pas fondamental comme expérience. On peut grandir sans passer une nuit à la Belle Étoile. Bah évidemment, c'est pas ça qui va changer leur vie. Hein. Moi, les miens, ils ont jamais dormi dans une tente. Je crois pas que ça leur manque. Ah, tu vois, Benoît, Brigitte aussi trouve ça complètement idiot, ton idée de faire dormir les enfants dans une tente. De quoi? Mais non, ça va les dégourdir. D'ailleurs, pourquoi tu dis ça, Brigitte? J'ai juste dit que les miens avaient jamais dormi dans une tente et que ça leur manquait pas. Ah bon? Pourtant, c'est marrant de dormir dans une tente. C'est bon, Paul, merci. Benoît, écoute ta sœur, elle a raison. Ils sont bien trop petits, nos enfants. Tu t'entêtes alors que tout le monde te dit que c'est pas une bonne idée. Mais enfin, n'importe quoi, c'est une excellente idée, cette tente. C'est juste que, comme d'habitude, Brigitte nous donne son avis... Alors qu'on lui a rien demandé. Ça va, j'ai rien dit. Oula, là, là, t'emballes pas. Je m'emballe pas. Hein. Mais pourquoi tu dis à Marie-Lorraine que mon idée est conne? Mais t'es quand même gonflé, hein. Tu peux pas t'empêcher de me rabaisser. Mais pas du tout, Benoît. J'ai pas donné mon avis. J'écoutais Marie-Lorraine me raconter vos projets de vacances en Mayenne. Mais je te rassure, je m'en fous, moi. Hein. J'écoute parce que je suis police et tout. Faites ce que vous voulez de vos vacances. Mettez vos gosses dans une tente ou dans un puits. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Eh ben bravo, quelle élégance. Et comme d'habitude, sympa pour Marie-Lorraine. En gros, ce qu'elle te raconte, ça t'intéresse pas. Mais pas du tout, j'ai acquiescé à tout ce que me disait Marie-Lorraine. J'ai tout écouté, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Hein, Marie-Lorraine? Ouh, Marie-Lorraine? Eh ben voilà, c'est super, elle pleure dans la cuisine. Eh ben merci, Brigitte. T'es là depuis 10 minutes, t'as déjà expliqué à ma femme que ses vacances, c'était de la merde. Mais à part ça, t'as fait aucun commentaire sur rien. Hein. T'imposes tes idées à tout le monde, tes gosses... ont jamais dormi dans une tente, mais ça fait rien. T'as une opinion sur le sujet quand même. Tu regardes les autres de haut, là. Parce que toi, t'es au-dessus de tout le monde, hein? Girl power, Madame Tornade. Tiens, c'est comme avec mes plémo pirates. Ah non, non, pas les plémo pirates. Il y a prescription, t'es malade, Benoît. Franchement, mais fais-toi soigner, quoi. Tu vas pas recommencer avec ça, c'est grotesque. Pas du tout. C'est le symbole de l'oppression que tu m'as imposé toute ma vie. Et là, j'ai 40 ans et tu viens m'expliquer que je suis un inconscient de faire dormir mes enfants dans une tente. Comme ça, paf, devant ma femme, tu me mets plus bas que terre. Tu sais quoi? Hein? T'es castratrice. Voilà ton problème. Bon. Et les plémo pirates, c'est exactement ça. Une castration. Bon, allez, hein, Paul, on se casse. J'en peux plus. Là, voilà. Allez. Merci pour l'apéro. C'était très sympathique. Allez. Au revoir, Benoît. Bah, ma puce, chapeau, hein. Cette fois-ci, t'as tenu 12 minutes. Comme quoi, ça paye quand tu donnes pas ton avis. Oh, arrête. Pourquoi on est allé dîner chez eux, là, mon frère? Mais c'est un taré. Là, c'est sûr qu'il arrive à se prendre la tête sur des vacances en Mayenne, vous faites très fort. Comme on t'a dit déjà, vous êtes fait dans le même moule. Bon, attends, c'est bon, Paul, on rajoute pas là. Au fait, c'est quoi cette histoire de Playmobil? Mais rien. Ah, bah si, raconte là, ça fait plusieurs fois qu'il en parle. Quand on était petit, j'ai dessiné des seins sur tous ces Playmopirates. Il a jamais digéré. En même temps, c'est un peu con, non? Pourquoi les Playmopirates seraient pas des femmes, hein? C'est toujours des mecs, c'est complètement idiot. Mais c'est de là que ça vient, non? C'est énorme, c'est énorme. Attends, il en tient une couche, ton frangin. Hein. Bah ouais, ça tu peux le dire. Hein. Si je t'avais dessiné des seins sur tes bonhommes Star Wars, tu t'en serais peut-être remis 30 ans plus tard, non? Ah non, là, faut pas déconner non plus, là. Attends, pas les figurines Star Wars. Han Solo avec des seins, non, n'importe quoi, t'es malade? Et bah pourquoi? Et pourquoi? Brigitte, enfin, Han Solo. Bah ça, tu vois, ça, c'est castrateur. Ça, oh il n'a pas là tort, là. Benoît. Hein. Non, mais... On te solo avec des seins. Non, mais tu réalises ce que tu dis des fois. N'importe quoi. Yoda, à la rigueur. Mais attends, vous êtes grave, là. C'est bon, ça va, quoi. Tu m'aurais dessiné un zizi sur ma Barbie. C'était... La vie trépidante de Brigitte Tornade. De Camille Collet. Avec... Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Elios Noël et Sidonie Laurence. Remerciements à Elodie Fiat et Aurélien Bianco. Bruitage. Sophie Vicente. Conseillère littéraire. Céline Geoffroy. Prise de son. Montage. Mixage. Pierre Mine et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation. Lise-Marie Barré. Réalisation. Cédric Ossier.